tout de suite sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio cousues main, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, Le Yoga et moi, une série d'Élodie Maillot réalisée par Manouchak Fachaï. Au départ de cette série, il y a une documentariste qui pratique avec assiduité et une mode qui donne envie de la questionner. Mais surtout, avant tout, on voudrait bien savoir depuis quand on a cherché à ouvrir ses chakras. Alors pour commencer, les personnages. Une yogi qui enregistre, un chercheur qui scrute, une spécialiste qui temporise, un historien qui reprend, le premier gourou aux États-Unis, un maître qui a essaimé et un gourou qui s'écrit. Ensuite, le décor. L'équilibre, une discipline ancestrale ou pas. Le yoga politique, l'hindouisme ou pas. Des yoga studies, l'immortalité, des sutras, un tableau terrifiant. Du marketing, le parlement des religions, la mode, la célébrité, Woodstock, les Beatles, une pause et du sens. Aujourd'hui, premier épisode, mais c'est quoi le yoga ? Le mot yoga renvoie à l'attelage. On parle de chars de guerre et de chevaux qu'il faut discipliner par la pratique du yoga. Et le but sera d'apprendre à maîtriser ses chevaux pour conduire le char et ses passagers, donc le corps et l'âme, vers la bonne destination. Feel that it's in you, that you are a child of this magnificent universe. Le yoga, c'est Chitta Vritti Niroda, c'est-à-dire la suppression des cogitations. Oui, celle qui chante des mantras en faisant des abdos, là, c'est moi. Il y a quelques années, je n'aurais jamais imaginé faire du yoga chez moi, encore moins au lever du jour. T'as plu ? La relaxation. Et la relaxation. Aprendiendo. Relaxation. Tu veux faire une relaxation ? La relaxation. Alors, si j'essaye, là, de me concentrer sur mon troisième œil, c'est peut-être parce qu'un jour, un problème cardiaque m'a interdit toute activité physique. Je me suis alors retrouvée au centre Yoga Flow, au bout de ma rue. Ce jour-là, je ne pouvais littéralement pas marcher plus loin. This is a meditation in motion. Stay with it. It's worth it. Je venais de m'installer aux États-Unis et je tentais désespérément de me raccrocher au monde et à mon corps dans un pays où tout se consomme sous plastique et où l'on n'enseigne pas la philo au lycée. Pour moi, le yoga, c'était vaguement une pratique physique qui venait d'Inde. Et pendant que je faisais cette pause dans ce studio de yoga, Greg, le prof, m'a proposé de faire un stage de tantra. À ce moment-là, je n'arrivais même pas à monter un escalier, et surtout pour moi, tantra, ça résonnait vaguement avec Kama Sutra. Enfin bref, c'était au-dessus de mes forces et très loin de mes préoccupations. Mais nos névroses et nos pensées négatives peuvent mener vers l'élévation avec le tantra, me dit alors Greg. Alors, ben, tous les week-ends, pendant 2 mois, je me suis retrouvée dans ce stage Yoga You Tantra Style, qui finalement m'a ouvert une porte vers l'observation sans jugement de mes drishti, ces pensées qui nous traversent en permanence. Aux États-Unis, j'ai fini par tester des yogas surchauffés, assises, debout ou même allongées sur des coussins. J'ai pratiqué le yoga bhakti et ses chants dévotionnels presque gospel. J'ai fait du yoga vinyasa en mode fitness, mutique ou extatique, du yoga nidra, bikram, kundalini. Et j'ai remarqué que, quelles que soient les pratiques ou les yogas, les profs ont tous un truc en commun. Un truc pour toucher leur public. Ils racontent toujours un peu leur vie. Pour en faire une leçon de philo ou juste pour que l'élève se sente moins seul quand c'est trop dur. Alors, moi aussi, j'ai eu envie de vous raconter un peu mon expérience dans cette série sur le yoga et l'art de la transformation. Sans doute pourrions-nous commencer cette série par Yoga teaches everybody that, hopefully. Il était une fois le yoga en Occident. C'est bien, Élodie, garde la jambe au sol tendue comme tu fais. Lève le pied derrière toi. Anyway, yoga teaches us a little bit to hold them right. Il était une fois un philosophe hindou, le Maharishi Maheshi. Alors je vais vous raconter un peu de mon expérience et de ma vie, même si ça me donne un peu le trac. Qu'est-ce que vous faites contre le trac ? Vous avez un truc contre le trac ? Il paraît qu'il faut se passer le nez très fort. Ah oui, Ça fait une dérivation mentale. Oui. Mais ça, c'est du yoga, alors? C'est l'embryon du yoga, c'est le début du yoga. Oui, d'ailleurs, si c'est yoga Albert Reisner dans l'émission Âge tendre et tête de bois. On est en 63. Et le professeur s'appelle Mahesh. Vous allez pouvoir lui poser. Et devant la caméra, il se met sur les coudes, la tête en bas. À l'époque, le yoga qui arrive en France à la télévision, c'est le Hatha Yoga, le yoga des postures. C'est vrai. Étymologiquement, le mot yoga veut dire joug. C'est la même racine. Et on met sous un joug toutes ses forces pour en faire le meilleur usage. Le mot yoga apparaît dans les dictionnaires français en 1825 et il renvoie effectivement au joug, à la cohabitation et l'équilibre des contraires. Autre question? Comment a-t-on inventé le yoga? Le yoga n'est pas d'aujourd'hui, le yoga est à peu près 5000 ans avant Jésus-Christ. Comme beaucoup, j'ai moi aussi longtemps voulu croire que je pratiquais une discipline ancestrale, sans vraiment chercher à comprendre comment elle était arrivée jusqu'à mon appartement, enroulée dans un tapis en latex bleu made in China. Et même si la pandémie nous a tous suspendus à un fil Wi-Fi, a fermé les studios urbains et a fait exploser le yoga virtuel, j'imaginais encore ses racines dans les contreforts de l'Himalaya. En 68, dans ce film, l'Inde fantôme, Louis Malle raconte déjà que le yoga fait des allers-retours entre l'Inde et l'Occident. Une classe de yoga à Bombay, cela peut paraître une survivance de la tradition. Il n'en est rien. Beaucoup de ceux qui pratiquent ici sont des bourgeois parsis, aussi étrangers à la philosophie du yoga que les Français. Paradoxalement, c'est la mode occidentale du yoga qui a provoqué sa renaissance un peu artificielle au pays même où il est né. Alors finalement, que fait-on sur un tapis? On pratique quelque chose d'ancien? Power of the word, power of the word, power of the word. Pour commencer, j'ai voulu aller poser la question à ce que j'imaginais de plus poussiéreux qu'une chaîne YouTube, le bureau d'un chargé de recherche au CNRS. C'est celui de Raphaël Voix. Voilà, bah installez-vous, un petit verre d'eau. Et il est rempli de livres. Et de carton. Tombé à un moment où mon bureau est un peu en bazar, puisqu'effectivement, donc, je suis chercheur au CNRS et je viens d'être affecté à l'Institut français de Pondichéry pour mener une recherche sur l'articulation entre yoga et politique dans l'Inde contemporaine. Il faut bien comprendre que depuis quelques années, le gouvernement indien a lancé tout un programme de développement très fort du yoga à la fois à l'international mais aussi sur place, en Inde, le gouvernement favorise l'entrée du yoga dans les universités et favorise également la pratique du yoga parmi les différents corps de fonctionnaires, également au sein des écoles. Donc moi, ce qui va m'intéresser, c'est de voir au niveau local qui sont les vecteurs de cet enseignement du yoga. L'idée simple serait que l'Inde serait foncièrement hindoue. Et l'idée derrière le yoga, c'est que le yoga serait d'origine hindoue. L'entrée, par exemple, du yoga dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO en 2016 fait partie aussi de cette politique. Et puis, des choses qui sont pas encore très, très visibles, mais notamment, par exemple, un label Ayush, donc du ministère qui s'occupe des médecines indiennes et du yoga, qui pourrait devenir le label de référence pour les formations de yoga et qui impliquerait donc que le ministère indien ait un regard sur l'ensemble des formations de yoga du monde entier. Alors en fait, quand je fais du yoga devant une vidéo chez moi, je participe peut-être involontairement aux perspectives nationalistes du Premier ministre indien, Narendra Modi, qui après avoir été interdit de territoire aux États-Unis, a finalement réussi à imposer la journée internationale du yoga à Lomé, à New York. Alors, quand je fais du yoga, est-ce que j'ai un rapport avec l'hindouisme? Ça dépend ce que vous faites. Ça dépend exactement ce que vous faites sur le tapis. Par exemple, si vous commencez votre séance de yoga par des invocations mantriques à des divinités hindoues, il y a un rapport lointain quand même avec l'hindouisme, puisque vous chantez les louanges d'une divinité. Mais souvent, je ne sais pas ce que je chante. Ah oui, alors, bah, effectivement. Si je dis Om, par exemple. Alors, Om, c'est particulier, le Om, parce que d'abord, c'est une des plus anciennes injonctions mantriques et qu'on va retrouver bien au-delà de l'hindouisme. Voilà. Qu'on va retrouver dans le bouddhisme, par exemple, dans le jainisme. J'ai aussi appris qu'il existe en France, depuis presque 50 ans, une école française du yoga. Alors, j'y suis allée pour poser la question à Isée Tardan-Masculier. Est-ce que quand je fais du yoga, j'ai un rapport avec l'hindouisme? Oui et non. Oui, en ce sens que le yoga s'est forgé dans le cadre général de pensée par exemple, sur le monde, sur la libération, sur la conscience, qui est celui de l'hindouisme. Donc, le yoga, dans sa vision du monde et de l'homme, il est profondément intriqué avec la religion hindoue. Mais en même temps, au cours de l'histoire, on s'aperçoit que les grands yogis ont été très libres par rapport à la religion. Et même parfois ont exercé une réflexion critique sur cette religion. On s'aperçoit aussi que, travaillant avec le corps, il touche à une dimension qui est universelle. Et donc il dépasse le cadre stricto sensu de l'hindouisme. La meilleure preuve, c'est que les musulmans en Inde ont eu des grands maîtres qui ont utilisé le yoga aussi. Donc on arrive à un vocabulaire qui est un peu universel. Alors on peut dire, oui, le yoga s'est forgé dans le cadre de l'hindouisme, et il est très lié à lui, et en même temps, par cette dimension à la fois critique et universaliste, alors il peut être détaché de l'hindouisme. Et c'est là le début de l'histoire du yoga, si on veut. Le yoga ne peut donc pas vraiment faire partie de l'histoire des religions, mais depuis plus d'une quinzaine d'années, des chercheurs ont monté des départements de yoga studies pour étudier le yoga moderne. À l'Université de Londres, Mark Singleton a été un des premiers à publier des livres sur l'histoire du yoga. Le mot yoga a des sens communs qui veut dire, par exemple, lié, ça veut dire l'entreprise. Ça a un tas de significations qui n'ont rien à voir avec ce qu'on pense quand aujourd'hui on entend le mot yoga. Et ce mot a apparu pour la première fois dans ces textes anciens comme le Mahabharata, donc il y a 2500 ans, plus ou moins. Et aussi à cette époque, une idée qui prend beaucoup de puissance, qui s'appelle le karma, qui est collé à nous-mêmes, à nos âmes, si on veut utiliser un terme chrétien, non ? Ce karma nous implique dans des vies infinies. Power of the word, power of the word, power of the word. Tout ce qu'on fait, ça laisse des traces. It's so important. In the beginning was the word, and the word was God. Donc, à cette époque, y compris parmi les bouddhistes, les jains, surgit cette nouvelle idée que parce que on est dans la souffrance infinie, éternelle, il faut trouver une manière d'échapper, de trouver la libération, qui est un mot-clé dans le yoga. En sanskrit, on a plusieurs mots, on a le kaivalya, mukti, moksha, et dans les traditions bouddhistes, nirvana. Et donc le yoga, c'est le côté pratique, comment échapper, trouver la libération. Et à partir de là, on voit ces groupes pratiquant ce qu'on a appelé le dhyana yoga, le yoga de la méditation. Donc, dans son origine, le yoga était plutôt la méditation. On est assis. Asana, ça veut dire siège. On s'assoit, qui veut dire rentrer les sens qui sont projetés sur le monde, de prendre tous ces sens et de les refouler dans soi. Pour voir ensuite que le monde n'est pas réel, que le soi non plus n'est plus réel. On défait le soi, on défait le monde, qui est une idée assez radicale. C'est pas nécessaire de faire beaucoup de méditation ou de yoga, de parfois avoir cette expérience. Une fois qu'on pratique la méditation, les bords de notre personnalité se fondent, voilà. On n'est pas la même personne après qu'avant. Relax your jaw, your mouth, your tongue, your lips, inhale again deeply. Avant l'ère du Hatha Yoga, avant ça, avant les Moyen-Âge, disons, c'était d'échapper du corps. Après, disons, le 13e, 14e, 15e siècle, le Hatha Yoga, ça a été souvent conçu comme une technique d'immortalité. Et on a des légendes, encore aujourd'hui en Inde, qu'il y a des yogis qui ont 600, 800, 1000 ans, qui sont encore là, perdus un peu dans les Himalayas. Bon, si on est bon pratiquant de Hatha Yoga, on peut rester dans son corps, et son corps ne se défait pas. On est immortel. Mais on est aussi libéré, c'est-à-dire on habite dans un état de conscience si élevé qu'on est perdu en quelque sorte à nous-mêmes. On est dans le samadhi. Samadhi, c'est l'étape le plus avancée du yoga. Mais voilà, l'immortalité, c'est central à toutes les traditions du yoga, mais surtout cette immortalité corporelle est centrale au Hatha Yoga. À ce stade, vous êtes peut-être comme moi un peu perdu dans la chronologie et les textes du yoga. Plusieurs textes anciens y font référence, les Upanishads, qui sont un recueil de textes qui forment la philosophie hindoue, la Bhagavad Gita, le chant du bienheureux, qui est la partie centrale du récit du Mahabharata, les Védas, qui sont des textes anciens révélés à des sages indiens, transmis oralement, et il y a encore des dizaines d'autres textes qui viennent nourrir le yoga et son histoire. If the Western brothers only could learn the methods of the yogis, then they would learn to live 100 years. Pourtant, quand on pratique le yoga dans un studio en Occident comme moi, il y a de grandes chances pour qu'on trouve un livre brandi comme le texte de référence, les fameuses Yoga Sutras. Le mot sutra a la même racine que suture en français, comme un fil qui pourrait coudre ensemble des notions, des concepts et des expériences. Les fameuses Yoga Sutras de Patanjali sont donc devenues le texte de référence pour définir le yoga. Oui, et d'ailleurs c'est assez étonnant. C'est assez étonnant parce que c'est un texte ancien qui date donc du 4e siècle après Jésus-Christ. Certes, c'est ancien, mais c'est pas non plus ça remonte pas à l'origine des hommes. En tout cas, ces textes, ce traité de yoga, donc le Yoga Sutra, c'est un traité de yoga qui est dans une forme particulière qu'on appelle forme de sutra, c'est-à-dire en aphorisme, en phrases courtes qui sont associées à un commentaire qui vient expliciter ces aphorismes, eh bien c'est là une méthode de yoga particulière. Ça, c'est ce qu'on appelle le Patanjali Yoga. En gros, le yoga de Patanjali. Et c'est pour ça que ça paraît surprenant que le texte soit aussi populaire aujourd'hui au 20e, 21e siècle. Eh bien, c'est surprenant parce que la méthode de yoga qui est aujourd'hui la plus populaire en Occident, eh bien c'est une méthode de yoga qui est assez éloignée du Yoga Sutra, puisqu'il s'agit d'une technique qui va passer notamment de manière très accentuée par la pratique posturale. Or, dans le Yoga Sutra, on a comme pratique posturale exclusivement de la pratique d'assise, c'est-à-dire de la pratique méditative. La posture, l'asana, doit être ferme et souple. Par la maîtrise du pranayama, on modifie le cours habituel de la respiration. On obtient un souffle allongé et subtil, alors ce qui cache la lumière se dissipe. Quand le mental n'est plus identifié avec son champ d'expérience, il y a comme une réorientation des sens vers le soi. Alright, let me say it this way. In yoga, like yoga philosophy, that some of you may be familiar with, like Patanjali and that sort of thing, there are these five layers of us that we talk about, called the kosha, Patanjali is the thing that everyone learns. But Patanjali est un texte que tout le monde étudie. It's all about, first of all, mais chez all Patanjali, about tout est question de méditation. Il n'y a rien chez Patanjali qui évoque la position chien face au bas ou d'autres postures. Quand il parle d'asana, c'est un état de conscience qui prépare à la méditation. En Occident, nous croyons que les Yoga Sutras ont défini le yoga comme l'arrêt des fluctuations de l'esprit. Mais ce n'est pas le seul texte. Il y a tellement de sutras différents. Il y a les Yoga Sutras, mais il y a aussi Bhakti Sutra, Shiva Sutra, Brahma Sutra, Dharma Sutra. Plein de textes différents et chacun d'eux définit le yoga d'une manière légèrement différente. Mais comme nous venons de cette tradition où il n'y a qu'un seul livre, la Bible, dans le christianisme, le judaïsme, on a imposé cette conception au yoga, mais c'est incorrect. Les Yoga Sutras ont été écrits pour des hommes, des moines célibataires, et qui pratiquent le yoga en Occident, des femmes qui ne font pas vœu de célibat et qui vivent dans le monde. Et donc, d'une certaine façon, pourrait pas être plus décalé, déséquilibré. Du temps de Patanjali, ils n'avaient pas de vie. Ils vivaient dans des monastères. Et tout ce qu'ils avaient à faire, c'était de pratiquer la méditation toute la journée. Ils n'avaient pas de relations, ni d'autres métiers. Ils n'avaient pas de choix à faire. Alors que dans notre vie actuelle, nous avons tellement de choix à faire. Et puis, franchement, la plupart des yogis occidentaux s'intéressent plutôt à la partie physique et très peu à la partie philosophie. Donc, ils ne vont pas étudier beaucoup de textes. Alors, s'ils doivent en choisir un, ils vont prendre le plus connu, qui en plus s'appelle Yoga Sutra. Donc, il y a un effet branding plus que chose. Moi, j'en étais restée à une image très pacifique du yoga, jusqu'à ce que je tombe sur un tableau du XVIe siècle, dans une exposition à Washington, qui m'a fait un peu peur. Alors, vous me demandez d'écrire un tableau qui est une représentation qu'on appelle tantrique. Si on se réfère au yoga de Patanjali, on est dans un tout autre monde. Alors, dans cette image, on a une divinité, qui est une divinité terrible, une divinité féminine. Elle a autour du cou et en boucle d'oreille des crânes. Ici, elle est sur un champ de crémation. Et donc, c'est la déesse de la mort, c'est la déesse du passage. Et si l'adepte, le yogi, arrive à la propitier, à la rendre favorable, elle lui donnera des pouvoirs. Mais il faut voir aussi que cette déesse, elle est assise sur le corps d'un être dont elle a coupé la tête. Alors, il y a toute une interprétation spirituelle, et ce sacrifice de la tête, c'est une sorte de modèle mythologique ou symbolique de l'abandon de ses propres pulsions égotistes, d'une forme de, sinon de destruction, du moins d'atténuation du moi au profit de cette conscience profonde qui est considérée comme une conscience absolue, une conscience d'être. Alors oui, ça rentre en opposition avec ce qu'on pense du yoga, c'est-à-dire que nous, on a une vision du yoga qui est un peu une peinture d'épinal, si je puis dire, c'est-à-dire que la vertu principale d'un yogi, c'est ahimsa, la non-violence. Ben oui, c'est vrai, bien sûr, il y a des très grandes traditions de non-violence en Inde, mais en même temps, il y a de la violence, et certains ascètes yogis sont aussi des guerriers. Et ils utilisent les postures du yoga pour renforcer leur corps, avoir un corps qui soit à la fois beau et qui soit fort. La main gauche, guerrier numéro 3. Décoller les mains du sol et tranquillement remonter. Ramenez le genou gauche vers vous, inspirez. Posture de l'âme. Beauty is in overcoming the calamity. Dans le système classique du yoga de Patanjali, c'est plutôt que la violence, c'est considéré que ça nuit à la pratique et ça nous empêche d'accomplir le yoga. Voilà, et ça c'est très présent tout au long de l'histoire du yoga, mais avec ces exceptions très répandues. Dans le yoga moderne aussi, qu'il y a des yogis qui étaient des mercenaires, qui n'étaient pas du tout opposés à la violence, et non plus à la richesse. Il y avait des yogis très riches. Donc ça, c'est une partie de l'histoire, jusqu'au point où ces yogis ont été poussés dans les villes. Ils gagnaient leur vie dans ces routes mercantiles où ils vendaient des choses, ils protégeaient les biens des autres, etc. C'était quelque chose d'assez important à l'époque, qui est fini là avec les Anglais, avec Warren Hastings ici, qui a interdit les yogis. Il a interdit qu'on soit nu, il a interdit qu'on porte les armes. Les British, si on veut, les Anglais sont arrivés en Inde et ils ont supprimé ces sectes yogis. Donc tout ce que faisaient ces yogis-là, leur mode de vie était fini. Ils sont entrés dans les grandes villes. C'est souvent eux qu'on voit dans ces photographies ethnographiques de l'époque. De la fin du 19e et même avant, on voit souvent ces yogis dans des postures impossibles ou bien sur les lits de clous ou bien lever le bras, tout simplement. Et le garde est là pendant 6 mois, 1 an, 5 ans, jusqu'à ce que le bras se défait, que ça perd la chair, que les ongles deviennent très très longues. Enfin des trucs un peu, enfin, qui fascinaient le public européen, qui représentait le yoga, non? Et c'était en fait donc une conséquence justement de ces lois qui interdisaient les yogis à pratiquer ce qu'ils avaient pratiqué depuis des siècles, c'est-à-dire faire leur travail de mercenaires. Est-ce que cette image de destruction peut-être du monde, enfin, on pourrait l'interpréter comme ça, parce que quand on voit cette image, il ne reste plus rien, à part des os, des cadavres, de la fumée. Ben, c'est l'image de la mort, et d'une mort qui est présentée dans toute son horreur, d'une certaine manière. Est-ce que dans cette conception, on pourrait dire que le monde, et donc les individus, entre dans différents cycles et que là, on serait dans un certain cycle de destruction? Oui, alors, le temps collectif est un temps cyclique en Inde. Et à l'intérieur de ces cycles, il y a des périodes. Il y a un âge d'or et puis ensuite les choses se dégradent. Ensuite, le temps se raccourcit et actuellement, nous sommes dans une période que les Indiens appellent le Kali Yuga, hein, l'âge sombre. Kali, ça veut dire sombre. Le Kali Yuga est un âge de convulsion, de souffrance, où le temps se raccourcit, mais en même temps, c'est l'âge des maîtres et des sages qui proposent des voies de libération et de sortie de la souffrance. Celui qu'on considère comme le premier yogi qui arrive en Occident, ou plutôt aux États-Unis, s'appelle Vivekananda. Il a 30 ans en 1893, 7 ans avant l'exposition universelle de Paris. Il s'exprime alors à la tribune du Parlement mondial des religions à Chicago. Son physique athlétique fascine Romain Rolland, qui lui consacrera une biographie et qui le décrit comme carré d'épaules, large de poitrine, corpulent et lourd, avec un teint olivâtre et un regard auquel, dit-il, nul n'échappe. À son arrivée, Vivekananda est vu comme un noir et un mendiant, et pourtant, au Parlement des religions, Vivekananda prononce un discours historique qui ne commence pas, comme à l'époque, par « Ladies and gentlemen », mais par « Sisters and Brothers of America ». And brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of the mother of religion. Je salue la plus jeune des nations, au nom de l'ordre monastique le plus ancien du monde. L'ordre védique des sannyasis. Il présente l'hindouisme comme la mère des religions, celle qui enseigne au monde la tolérance universelle, le message de l'Inde, le message de l'unité. And he had won. Vivekananda était le premier gourou à venir enseigner sa propre conception du yoga en Occident. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a un grand jeu d'aller-retour entre l'Inde, d'un côté, et puis ce qu'on peut appeler en gros l'Occident, c'est-à-dire les États-Unis et l'Europe occidentale. Donc, maintenant, les recherches récentes nous amènent à dire que Vivekananda lui-même apporte aux États-Unis quelque chose qui doit beaucoup à la pensée indienne, bien sûr, mais qui doit aussi déjà à l'Occident. Par exemple, concernant le yoga, il va beaucoup emprunter à la pensée évolutionniste, parce qu'il sait que ses auditeurs ont lu ou au moins entendu parler de quelqu'un comme Darwin. Donc il y a une sorte de métissage qui se fait entre l'Est et l'Ouest. Alors concernant sa vision du yoga, il est assez négatif vis-à-vis de ce qu'on appelle le Hatha Yoga, c'est-à-dire le yoga postural. En fait, il insiste beaucoup sur les aspects psychologiques et spirituels, et la dimension corporelle l'intéresse peu. Oui, parce que Vivekananda était de Calcutta. Et cette période, il y avait un très grand développement de pratiques de yoga qui était un peu combinaison de pratiques de yoga avec des travaux musculaires, des poids, etc. pour devenir très fort. Voyez-vous, pour pouvoir déchirer des plateaux en cuivre, voyez-vous. Faye Gaya, professeur de yoga yanga à Paris. Et Vivekananda, il disait, un hatha yogi qui n'a pas de conscience de ce qu'il fait est un animal en bonne santé. C'est ça qu'il avait dit. Mais bien sûr, quand on n'a pas de conscience de ce que l'on fait, à ce moment-là, il n'y a aucune différence entre un pratiquant de yoga et un pratiquant de gymnastique. La seule différence entre les autres systèmes corporels et le yoga, c'est qu'en yoga, il y a cette prise de conscience permanente de ce que vous faites et ce qui se passe en vous. Après Vivekananda, on a quelques dizaines d'années où on voit très très peu de postures. On voit que le yoga devient populaire, surtout on voit ça à Londres, on voit ça à New York, et en Californie, un peu ici, un peu là. Mais c'est presque toujours le yoga de la méditation, ou bien c'est la magie, c'est l'ésotérisme occidental présenté en tant que yoga. Ça, c'est très important de savoir que Vivekananda, lui aussi, il parlait la langue des ésotéristes, des occultistes. Le premier yogi qui décide de s'installer en Occident pour de bon, et pour développer le Kriya Yoga, un yoga qui s'appuie surtout sur la méditation, s'appelle Yogananda. Il va choisir la libérale côte ouest pour s'ancrer dans ce qu'il appelle la Bénarès de l'Amérique, Los Angeles, d'où il va développer la self-realization, la réalisation de soi. Yogananda va devenir célèbre parce que c'est le premier yogi à écrire sa propre biographie en anglais, l'autobiographie d'un yogi qui devient un best-seller, traduit en 45 langues et la bible de toute une génération et plus tard de quelques stars comme George Harrison ou Steve Jobs. Yoga is not magic, sword swallowing or crystal gazing, but it's the art of super living. Vous connaissez ce livre ? Oui, je connais ce livre, oui, bien sûr. Le titre du livre, c'est « Autobiographie d'un yogi ». Là, c'est le livre d'un yogi Isé Tardant Masculin qui est venu aux États-Unis dans les années 20 et 30, Paramahamsa Yogananda. Bon, plus simplement de son petit nom, Yogananda. I, Paramahamsa Yogananda, am praying with you. Pray with me, with the deepest devotion of your soul. Yogananda se présente d'abord comme un être souffrant, et souffrant beaucoup d'ailleurs, un peu comme vous et moi, comme le commun des mortels. Voilà, donc dans ce livre, Yogananda développe son cheminement personnel. Il va chercher à créer une sorte de science du yoga et de la méditation qui puisse permettre à l'homme occidental d'accéder au bonheur, à une vie équilibrée. Alors ça va être une grande thématique qui apparaît dans les années 1910, 1920. Cette thématique d'une nocivité de ce qu'on appelle la civilisation moderne et qui en fait a servi l'être humain par un travail qui est souvent dégradant, mécanique. C'est le résultat de la révolution industrielle et puis par des guerres. On est Yogananda, il commence à répandre son enseignement dans les années 20-30. On est juste après la Première Grande Guerre mondiale. Donc les maîtres indiens qui viennent de l'Inde vont très souvent, presque toujours d'ailleurs, faire la critique de cette modernité. Et là, ils vont rencontrer une attente en Occident. Ils vont avoir une bonne réception, par exemple, dans les courants, qui sont des courants non pas anti-modernes, mais des mouvements qui voudraient au contraire une post-modernité, dépasser les erreurs et les méfaits de la modernité. Et là, certains de ces courants vont adopter le yoga. Aujourd'hui, le portrait de Yogananda veille sur de nombreux studios, mais le yoga qu'on pratique en Occident doit en fait beaucoup plus à un homme qui n'a jamais quitté l'Inde et qui y vécut centenaire jusqu'en 1984. Il s'appelle Krishnamacharya. Lui a surtout exporté ses élèves, dont deux des plus célèbres maîtres du XXe siècle en Occident, Pattabhi Jois, le père de l'Ashtanga Yoga, et Bikas Iyengar, l'inventeur du yoga Iyengar de son nom. Tous les deux ont étudié avec Krishnamacharya à la dure. Oui, c'était un enseignement très dur, c'était un enseignement traditionnel. Aucune erreur n'était tolérée, sinon c'était la barre métallique. Iyengar est mort en 2014 et aujourd'hui, Faik Beria est l'héritier de sa lignée. Il enseigne le yoga de Bikas Iyengar à travers le monde. Bikas Iyengar, il travaillait un peu comme un boy, comme un serviteur. Donc de son maître. De Krishnamacharya, oui. Notre maître me racontait que dans les années 30, un beau jour, il y avait le Swami Yogananda, l'auteur de fameuses autobiographies de yogi, qui était venu rendre visite pour déjeuner. Et pendant qu'il servait le repas, etc., il rentrait, il sortait, Yogananda n'arrêtait pas de le fixer. Et à un moment, Yogananda dit à Krishnamacharya, qui est ce garçon? Il dit, c'est mon beau-frère. Et il est là. Il dit, tu me donnes ce garçon, je l'amène avec moi aux États-Unis. Donc d'un seul coup, il se voyait aux États-Unis et il est heureux. Et le maître d'un seul coup dit, non, je ne peux pas, je l'entraîne en tant qu'un yogi. Et il refuse de donner Bikas Iyengar à Yogananda. Ça doit être autour de 1933-35, oui. Et donc à ce moment-là, Yogananda a une aura importante en Inde, alors, après son voyage aux États-Unis. Oui, cette période, voyez-vous, pour être quelqu'un de très important en Inde, il fallait avoir une réputation en Occident. Dès qu'on brille en Occident, l'Inde vous acceptait. Ah bon ? Même moi, quand j'étais en Inde, j'ai rencontré beaucoup de yogis, des pratiquants de yoga. Leur seul rêve, c'était de pouvoir venir en Occident et devenir célèbre. L'Inde a commencé à consommer le yoga. Parce que l'Occident s'est intéressé au yoga. Il y avait des gens qui faisaient un peu de méditation, le mantra, etc. Mais personne ne pratiquait le yoga. Yogananda était un star, absolument, oui. Il n'était pas connu avant de partir, non. Ouais. C'est l'Occident qui a rendu célèbre. Même Bikas Iyengar, c'est Yehudi Menuhin qui l'a rendu célèbre. Il ne faut pas oublier ça. Menuhin l'a amené en Occident et c'était le début de sa célébrité. Yehudi Menuhin passait une période de grande dépression, il n'était pas bien, il n'arrivait plus à jouer et il était en Inde pour donner des concerts. Il avait décidé de éventuellement rencontrer quelques yogis ou pratiques de yoga. Donc on avait amené Bikas Iyengar. À la fin de cours, il l'avait mis en relaxation. Yehudi, qui n'arrivait pas à dormir, avait dormi plus d'une heure d'affilée. Et une fois qu'il avait quitté l'Inde, il lui avait demandé de venir l'enseigner en Occident, en Suisse précisément, à Paris aussi. And then the right arm has to, upper arm has to be lifted up. Look completely to the left. The right hip has to be contracted, stretching the right knee firmly. Now take a deep inhalation. As you inhale, keep the right leg firm. Then take the left foot in. Shift your arms. Exhale. Plus tard, quand j'étais formé, il m'a demandé de venir, il m'a encouragé de venir enseigner en Occident. Je lui ai posé la question, qu'est-ce que je dois enseigner, comment je dois enseigner? Et sa réponse était rapide. Il a dit, l'homme pressé du XXe siècle n'a pas de temps à perdre. Il faut lui donner un enseignement qui puisse apporter le maximum dans un minimum de temps. Ces cours étaient extrêmement durs et ceci a duré jusqu'au début des années 80. Et là, il a commencé à créer des cours débutants, des enchaînements de débutants, etc., qui préparaient les gens pour pouvoir finalement arriver à pratiquer le yoga traditionnel. C'était vraiment le but. Et de ce point de vue, c'était merveilleux. Son enseignement était merveilleux. En 1984, on est dans le métro londonien, un après-midi. Il y a un vrai gentleman très élégant qui vient avec son cartable, qui dépose son cartable, qui s'assied. Et d'abord, avec les bouts de ses doigts, il tire ses fesses vers l'arrière pour dégager son bassin. Il s'assied tout droit, il ouvre son journal. Et Bikkei Sayenga, qui avait vraiment... il voyait tout. Il me dit tout de suite, il dit, cet homme doit être pratiquant de ma méthode. Et moi, je dis, oui, c'est... Alors, il me dit, va savoir. Go and inquire. Demande. Donc, très, très gêné, je me lève et je m'approche de ce monsieur. Il dit, monsieur, il lève sa tête, il me regarde. Bizarre. J'ai dit, vous pratiquez le yoga. Alors là, il devient très suspicieux. Il me dit, oui. Et moi, j'ai dit, vous pratiquez le yoga Iyengar? Il dit, oui, pourquoi? Je dis, parce que Bikkei Sayenga est là, en face de vous. Et il vous a reconnu. Voici, tel qu'on l'enseigne sur les bords du Gange, l'asana ou posture du lion, spécialement destinée à calmer l'individu et à refouler la colère. Au XXe siècle, on voit quelque chose de très neuf. Un surgissement d'intérêt dans le corps, parce que on avait dans le monde, à cette époque, une grande popularité de la culture physique qui était liée au nationalisme. C'était que si on a un corps fort, en bonne santé, notre pays va être aussi en bonne santé. Et donc, il y a une renaissance dans le contexte de la lutte indépendantiste en Inde. On faisait référence à ces vieilles traditions de yogis guerriers. En fait, ce n'est qu'au XXe siècle qu'on a importé les salutations au soleil dans le yoga. Avant le XXe siècle, le Surya Namaskar n'était pas là, on le pratiquait pas. Ce qu'on voit maintenant, c'est pas forcément ce qu'on voyait avant. Bon, moi, je parle souvent de l'effet pizza, qui est une idée, un concept d'un moine hindou et aussi un chercheur universitaire qui s'appelle Agehananda Bharati. Et lui, il disait, le yoga est un peu comme un pizza. C'est-à-dire que le pizza s'est développé à Napoli et ensuite a voyagé aux États-Unis avec les immigrants où il s'est transformé pour créer ce qu'on appelle aujourd'hui le pizza italien. C'est un peu la même chose avec le yoga. Il a voyagé beaucoup le yoga depuis 150 ans et il est revenu en Inde avec ses nouveaux éléments. Par exemple, la culture physique, des éléments de développement personnel qui est une idée qui est quand même très loin de l'idée originaire du yoga qui défait le soi, qui développe pas le soi. Mais quand même, la psychologie, le développement personnel est devenu central au yoga, au pluriel, au yoga en Inde et en Occident aussi, dans un monde qui est quand même très très globalisé. America leads the whole world in several ways. Peut-être que le yoga n'aurait jamais eu un tel écho en Occident sans cette fameuse année héroïque, 1969. America is becoming a whole. Swami Satchidananda se retrouve alors sur la scène du plus gros festival de musique jamais organisé. America is helping everybody the material field, but the time has come for America to help the whole world with spirituality also. Hi, it's Michael Lang. Salut, je m'appelle Michael Lang. Producer of events like Woodstock. Producteur d'événements comme Woodstock. C'était quand même assez extraordinaire à l'époque de commencer un événement aussi important et un événement musical par la parole d'un sage indien. Yeah, it was also unusual to have a huge musical event. Oui, c'était aussi extraordinaire d'avoir un événement musical si énorme. Mais c'était un tel événement spirituel en lui-même. Swami was brought to America. Ce sage Swami Satchidananda avait été invité en Amérique par mon ami Peter Max. Et pendant Woodstock, on organisait des cours de yoga pour tout le monde la journée. C'était la première fois que la plupart des gens rencontraient le yoga. Donc Woodstock a certainement apporté le yoga à un public plus large de jeunes, tout comme nous leur avons fait découvrir le musli au petit déjeuner. Mais oui, je pense que l'un des héritages de Woodstock, c'est effectivement d'avoir rendu le yoga plus mainstream. Nous, on faisait partie de la contre-culture. On avait tous connu Timothy Leary et Dr. Albert, qui est devenu le yogi Ram Dass, et son livre culte Be Here Now, que nous avons tous lu, et même lu plusieurs fois. Donc, ça faisait partie, en quelque sorte, de notre éducation dans ces années 60. Il y avait une curiosité grandissante pour le yoga, qui était un aspect physique de cette spiritualité indienne. Mais je pense qu'il a été aussi introduit à la culture de masse et à la jeunesse grâce aux Beatles qui sont partis étudier en Inde avec Maharishi. Pour faire pousser une plante, on commence par creuser le sol, enlever les cailloux et les mauvaises herbes et ramollir la terre. Puis, on enfouit la graine et on l'entoure avec de la terre molle, si délicatement que lorsque la graine s'ouvrira, elle ne sera pas endommagée par le poids de la terre. Enfin, on arrose un peu la graine et on attend qu'elle germe et qu'elle croisse. L'arbre du yoga. Pikes Iyengar. You know, in those days, you know, this is 1991 or so. À l'époque, vous savez, dans les années 80-90, il y avait très peu de studios de yoga dans toute la ville de Chicago où j'habitais. À peine deux. Mais aujourd'hui, il y a un studio de yoga presque à chaque coin de rue. Et en Californie du Sud, où je vis actuellement, il y a énormément de types de yoga enseignés. Il y a des tonnes de studios de yoga et de professeurs qui inventent des variations. On peut tout trouver. Ça va du yoga traditionnel, comme le yoga Ashtanga de Pasabi Joyce, à toutes sortes de classes de yoga moderne qui amalgament différentes choses, parfois étranges, comme le yoga chèvre, où l'on pratique littéralement avec des chèvres sur soi. Il y a des yogas qu'on pratique en fumant ou en buvant. Il y a du yoga vin, du yoga bière, yoga cannabis. Il y a un cours à Los Angeles qui s'appelle Bongs and Gongs, dans lequel les gens fument des bongs et écoutent des gongs, des cloches. Et il y a une grande tendance de yoga gay, pratiqué à New York, nu. Bref, de nos jours, tout peut être appelé yoga. Et bon, vous ne pouvez pas dire non, ce n'est pas du yoga. Parce que le truc, c'est que même si les gens pratiquent quelque chose comme le yoga chèvre, le yoga goat. Ce sont des gens qui se rassemblent pour quelque chose et ils font ainsi quelque chose d'eux-mêmes qui est hors du flot normal de leur vie quotidienne. L'ultime définition du yoga, qu'il s'agisse de méditation ou d'un cours physique ou de mantra, c'est une interruption dans le flux habituel. Je pense qu'il y a une certaine valeur à cela, malgré tout. Feel that it's in you, just like your DNA is in you. That loving service is in you, and it'll come through you in such a unique way. Le yoga nous donne quand même une façon de se remettre et entrer dans un état d'esprit qui est autre. Il m'a toujours semblé qu'il y a un aspect politique à tout ça, au yoga, au mindfulness, à toutes ces modalités de bien-être, qui est que ça, pour des milliers de gens, ça nous permet de travailler dans un système qui est, pour beaucoup de gens, infernal. Des travails qui n'ont peut-être pas de sens, pas beaucoup de sens, ou qui nous tuent. C'est quelque chose qui est très lié avec le néolibéralisme, si on peut dire, qui nous laisse pas quoi une liberté peut-être qu'on voudrait dans notre vie. C'est-à-dire que comme le yoga des origines, le yoga aujourd'hui vise une certaine immortalité. Oui, bon, d'échapper de ce qui est la réalité nouvelle, non, qui est quand même bon. Je pense aussi, on a souvent pourquoi ça s'est passé comme ça à cette époque-là? Soudain, il y a des gens qui disent, non, la vie, je veux m'échapper. Et on a dit, bon, peut-être que c'était à cause des épidémies, des pandémies, qu'on a vu soudain que la vie, c'est la souffrance. La vérité, c'est qu'on sait pas, mais il y a des auteurs, des chercheurs qui ont suggéré que c'était justement parce que cette vie tranquille est devenue un peu moins tranquille à cause des pandémies, à cause d'une catastrophe naturelle. Donc je me demande si avec enfin la pandémie qu'on vit maintenant, si on va voir un retour à ces yogas anciens en tant que outil qui nous permet de survivre en quelque sorte ou de surmonter des crises énormes de santé, des crises existentielles même. Et j'étais juste, enfin, je pense parfois à l'avenir du yoga et je me demande si tout ça, cette idée qui est très étrangère, je crois, à notre humanisme moderne, à notre façon de voir la vie et l'humain dans le monde, si ça peut revenir un jour, qu'on se dit, faut trouver quelque chose qui nous permet de laisser de côté la vie, de transcender et de passer au-delà. Now I will go into the state of superconscious bliss by lifting my eyes higher in a relaxation and controlling my heartbeat. C'était le yoga à la conquête de l'Occident avec Mark Singleton, auteur de « Aux origines du yoga postural moderne » aux éditions Almora, Isée Tardan-Masquelier, auteur de « L'esprit du yoga » et directrice de projet à l'École française de yoga, David Wagner, professeur de yoga, Raphaël Voix, chercheur au CNRS, Michael Lang, créateur du festival Woodstock et la voix de Daniel Brown pour les traductions. Archivina, Anne Delavaux, documentation Annie Signoret, mixage Jean-Baptiste Etchéparbord, réalisation Manouchak Fachaï, une émission d'Élodie Maillot, coordination Perrine Carvan et Marie-Vonne Abolivie.